partout dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit Gérard Godbout qui vient nous parler de chanvre. Et dans le poste d'écoute, The Deers et My Little Cheap Dictaphone. Assemblage requis, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières et on est le mercredi 16 février. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Salut, François. Ça va bien, Mathieu Plante? Oui, ça va bien. Toi? Oui, ça va bien. J'espère que les auditeurs vont bien, nos petits requins à la maison en voiture. En voiture, dans le lit, dans la douche, à la cuisine en train de se faire des toasts. C'est drôle que les gens puissent nous écouter dans la douche et ça me rend bizarre, là. Ça me rend très... comment je pourrais dire? Très joyeux. Joyeux? OK, je pense que tu allais trouver un autre mot que ça. Non, c'est ça le mot qui m'est venu en tête. Si vous êtes un de nos auditeurs qui nous écoutez dans la douche, on aimerait savoir, téléphonez-nous au 819-376-513. Essuyez-vous, là! Oui, c'est ça, essuyez-vous, parce qu'un téléphone dans la douche, je sais pas si... on peut pas être le responsable de trop de blessures, là, quand même. aujourd'hui, l'émission, normalement, on aurait le mercredi Maxime Lemieux-Ramé, mais il est pas là aujourd'hui. Non! Il sera pas là cette semaine, en fait. Il va être de retour la semaine prochaine. Par contre, on va remplacer sa chronique par un beau petit poste d'écoute double. Il va y avoir deux albums là-dedans. On va entendre My Little Cheap Dictaphone avec The Tragic Tale of a Genius. Et il y aura aussi The Deers avec Degeneration Street. C'est ce qu'on va entendre. Et puis, qu'est-ce qu'on va entendre aussi? Armistice, même ça. Okay. Même ça. Un gros bloc. On va faire une chronique à la Maxime Lemieux-Ramé. Il en fait trois d'habitude. On en fait trois aussi. Yes, pas sir. De liaisage. Là. Non, non, non. Bon. Aussi, on va recevoir quelqu'un pour parler de chanvre, François. Oui, exactement. Gérard Godbout qui est étudiant ici même à l'UQTR. Mm-hmm. Hein? Belle place. Ben oui, c'est ça. Oui. Écoute, il va venir nous parler du chanvre, donc il va nous dire sa position, ses revendications aussi. Il a écrit un texte, mais en bref, on va en parler avec lui du chanvre. Ça va être aux alentours de 8h30. Oui, avant ça et avant le poste d'écoute, il va aussi avoir une chronique, c'est un fait. Donc reste avec nous pour tout ce beau contenu dans l'édition d'aujourd'hui d'Assemblage requis. Mais on commence avec un classique. Classical. Un album de Xavier Caffine. Vous vous rappelez de l'album Gisèle. Il n'y avait que des hits là-dessus. Et on écoute La fin du monde tout de suite au 89.1 FM. jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Formation de Rescue et la pièce Televised sur le palmarès anglophone de C'est fou. Et avant ça, ben, vous avez remarqué la thématique, hein, la fin du monde, je la verrai à la télévision, de Xavier Caffeine. Ça, c'est un classique, les palmarès C'est fou. Oui! Bloc à la thématique sur la télé, là. Télévision. La boîte, là, où il y a des gens qui parlent dedans, comme des marionnettes. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Écoute, j'écoute les nouvelles, j'ai l'impression que... qu'ils te parlent comme s'ils avaient une main dans les fesses. C'est exactement ça. Parlant de choses du futur, hein, la télé, c'est futuriste au bout, là, comme média. Donc, voici la chronique CNX. Roulette. Quand ça devine. Nouvelles du futur. «

Te, oui, à Palo Alto, en Californie. Christian Muller, le co-développeur et l'un des chercheurs de l'équipe, espère bientôt ajouter un système de reconnaissance vocale à Jérémine. Il permettrait notamment d'envoyer des textos tout en conduisant de façon sécuritaire. Voilà, c'est comme ça que ça va avoir l'air. Le monde va avoir de ça. Hein. Hey! Hey, tu parles d'affaires, hein? Ben voyons donc. Ah, envoyer des fingers en volant, là, pis... C'est bizarre, je sais que Ford, en fait, juste pour pas la nommer, a sorti des commandes vocales. Oui, oui. Tourner à droite, genre? Non, mais non. vraiment, tu sais, musical, okay. Pour ton téléphone répond, envoie message. Ouais, envoyer message. Ouais. Je sais pas si ça fonctionne bien, je sais pas. Je sais pas, avec l'accent québécois, là? Ouais. Pas certain. Je sais pas. Dans l'annonce, en tout cas, ça a l'air très bien. Ah oui, j'imagine. Voilà pour CNX, Nouvelle du futur. Et c'est ça. De retour à l'assemblage requis. Yay! Yay! Mathieu Plante. François-Olivier Marchand. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien. Hey, ça faisait longtemps, ta chronique CNX, j'ai apprécié. Ben, une fois par deux mois, c'est mon... Une fois par deux mois, c'est pas pire, ça. Non, mais faudrait que je m'améliore, sérieusement. Je veux dire, c'est pas si difficile que ça. Hein. Mais bon. C'est intéressant de se tenir à jour, en fait, en tout ce qui concerne la technologie. Dieu sait que ça va vite. Hein. Et oui. Pep. Bien dit. Tout à l'heure, François, on va ramener un autre bloc qu'on ramène seulement quand il n'y a pas de chroniqueur avec nous. C'est ça l'affaire. L'idée de l'émission, c'est que c'est pas mal toujours des chroniqueurs. Hein. On aime ça comme ça, mais ça empêche les chroniques quotidiennes. Donc, on va avoir un poste d'écoute tantôt et un méga poste d'écoute qu'on appelle. On va faire trois groupes. Il va y avoir My Little Cheap Dictaphone, The Deers et Armistice avec Cœur de Pirate et Jimmy Lovesy de Blue Sound Clash. Ça s'en vient plus tard, vers les 8h, mais pour l'instant, on va écouter Gentleman Reg avec son album Jet Black, un autre classique du palmarès anglophone. On écoute Coastline à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées au 89.1 FM. CF. Non, oh. Mathieu, c'est fou! Ah! C'est ça. Ah, CF. Ah, je viens de la comprendre. Almost dry out of a coast too far. Shake your shoulder, is he near and far? But at the same time, don't know where you are. On skin that we undress, beauty of the swim where we do best. But that's not why I'm here in this disguise. It's simply to be near under the sky.

Eugène et le cheval avec la pièce appartement. C'est une nouvelle entrée du palmarès francophone et c'est vraiment excellent, je trouve. Un drôle de nom, par exemple. Ouais, ben, il y a beaucoup de groupes en ce moment avec des drôles de noms, dont ceux qui font partie de la compilation et Franck Ouverte. Oui, oui, tout à fait. Oui, il y en a beaucoup. Avant ça, c'était un classique de Dead Man's Bones, My Body's a Zombie for You. Moi, j'adore ce groupe-là, j'adore cette pièce-là. Le CD au complet, est-ce que tu l'aimes au complet? Oui, oui, oui. Mm. Très bon. C'est un peu macabre comme ambiance. La pochette aussi, ça fait très Halloween chorale aussi. Ouais. Oh, les petits-enfants épeurants. Oui, oui, oui. Mais c'est excellent. J'aime bien. Tout à fait. On va l'entendre une autre nouvelle entrée du palmarès francophone. On l'a déjà entendu, c'est Assemblage Rocky. Et tout le monde adore. C'est Galaxy. Oh! Oh! Hein? Quoi? Galaxy! Quand, où ça? Quand ça? Galaxy, avant qu'il y avait le nom de Galaxy 500. Oui, parce que, bon, il y a eu une controverse à cause d'un autre groupe qui portait le même nom. Et puis, c'est évident que quand tu t'appelles, quand tu prends un nom d'une voiture, là, j'imagine que c'est assez facile d'avoir deux groupes qui prennent le même nom de voiture. Hein? C'est une voiture, hein? Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Ça se peut. Galaxy 500. Bref, c'est maintenant Galaxy. Là, ça me surprend qu'il n'y ait pas d'autres groupes qui s'appellent Galaxy. Mais bon. Ça aussi, ouais. T'sais, l'album s'appelle Tigre et Diesel. Ça me surprendrait qu'il y ait un autre album qui s'appelle Tigre et Diesel à quelque part. La pièce qui est sur le palmarès, c'est le premier extrait qui a été entendu, c'est Piste 1. Ça non plus, c'est pas original. Mais on aime ça comme ça, c'est pas grave. Galaxy, Piste 1, 89 FM, Assemblage Rock. Galaxy et la pièce Piste 1 de l'album Tigre et Diesel, nouvelle entrée du palmarès francophone. Et vous êtes à l'Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées au 89 FM, c'est fou. Mathieu Plante. François-Louis Marchand, on va faire quelque chose de spécial. Vous vous rappelez peut-être, pendant le mois de novembre, on appelait des gens pour les réveiller pour le concours de moustache. Oui, exactement. Inquiétez-vous pas, on repart pas ça tout de suite. Non. À la place, on va juste appeler quelqu'un, mais pour une bonne raison, pour une... Une très, très bonne raison, je trouve. On va lui souhaiter joyeux anniversaire. Si des fois, c'est l'anniversaire d'un de vos amis, une de vos amies, vous voulez qu'on les appelle, ben, appelez-nous avant. 376-5183, puis écoute, on va... On s'arrange. On va dire à Matt qu'il appelle. Donc, c'est moi qui dois composer, c'est ça? Oui, donc? OK. Ouais. Okay. Ben, tu veux-tu que je le fasse? Ouais, tu pourrais le faire, s'il te plaît. Parce que si je le dis en onde, ça serait pas... C'est pas génial, ça, j'avoue. Non. OK, donc on appelle... Est-ce qu'on peut dire son nom? Oh oui. Non, pas tout de suite, parce qu'il s'attend pas à un téléphone. Ça devrait sonner, je sais okay, pas. OK, ça sonne? Ouais. Tu y vas, tu parles en premier? Oui. Ou on lui chante bonne fête en même temps? En où est-ce que je demande, Maxime, s'il vous plaît, genre? C'est long, hein? Hey. Max Vidor, je suis pas là. Ah non, c'est pas vrai. Ah non. Oh non. Ça ben Colin. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il nous écoute? Écoute, on va savoir assez vite. Et Colin, on va t'icardiser ça, ce gars-là. Et Colin. Bon, donc, c'était une belle expérience. C'était aussi concluant que le mois de novembre, finalement. Ouais, exactement. On a reçu plusieurs refus. Ben, pas des refus, mais des... des non-réponses. Exact. Est-ce qu'on va apprendre notre leçon un jour? C'est ce que vous saurez dans la prochaine édition d'Assemblage Requis. Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Ah, bon, ben, c'est déprimant, ça. Hein? Je pense qu'on devrait juste fermer l'heure tout de suite et puis revenir après avec une deuxième heure qui va être tout aussi grandiose et magnifique et mémorable. Il va y avoir la collecte, c'est un fait. On va faire un méga poste d'écoute, oui, avec trois groupes. Armistice, The Deers et My Little Cheap Dictaphone. C'est ce qui s'en vient dans la deuxième heure. On va aussi parler avec Gérard Godbout. Oui, qui va venir nous parler de chambre. Alors, restez avec nous. Et pour l'instant, c'est l'Info Campus. C'est tout dans vos oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage Requis. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On revient tantôt avec la chronique, c'est un fait, mais pour l'instant, voici Karim Ouellet et Météor. La fin de semaine, oh, yeah.

cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur d'Alex Nevsky, Assemblage Requis au 89.1 FM, c'est fou. C'est l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Et ce, du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur C'est fou. Oui. C'était très un ouais FM. Ouais. C'est le moment de passer au poste d'écoute de C'est fou. Le poste d'écoute de C'est fou qui vous permet d'écouter de la nouvelle musique une fois de temps en temps et plusieurs pièces du même artiste. C'est un nouveau CD qu'on a reçu. Aujourd'hui, on se fait un méga poste d'écoute. On va avoir plusieurs autres disques d'ici la fin de l'émission. Mais pour l'instant, on va commencer avec Armistice. Armistice qui est composé de Béatrice Martin, que vous connaissez sous le nom de Cœur de Pirate. Je crois que vous la connaissez, Cœur de Pirate, là, c'est pas nouveau ça. Ouais. Et Jim Malinowski de Bedouin Sound Clash. Et leur projet a publié un nouveau maxi de 5 pièces. Il y a un vidéoclip pour la pièce qu'on va commencer, avec laquelle on va commencer, c'est Mission Bells. Et ensuite, on entendra City Lights Cry dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Ask you. tonight. Let alone danger. Peace of mind is not hard to find. I heard you were lonely. Is it worth making me the fool for trusting your halo and those tales that became too cruel? I'll leave you for someone tonight. The shapes of the City Lights Cry et Mission Bells d'Armistice, composé de Béatrice Martin, Cœur de Pirate et Jay Malinowski de Bedouin Sound Clash dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Qu'est-ce que t'en penses, François? Moi, j'ai bien aimé. C'est le western un peu. J'ai aimé la dernière pièce. La première, on dirait que je sais pas pourquoi ça m'a moins accroché. Mm-hmm. Mais la deuxième, je la trouvais très bonne. Vous pouvez d'ailleurs downloader l'album sur armistice.bandcamp.com ou seulement 5$. 5$ pas cher pour 5 pièces. Hein. Livret digital inclus. Incroyable. Il est aussi sur iTunes, bien évidemment. Vous pouvez entendre des extraits sur myspace.com/armisticeofficial. Hein? Officiel en Official. Anglais. C'est quand même chanté en anglais, tout ça. Il y a plein d'infos là-dessus. Le fait qu'ils sont sur Dare to Care Records. Dare to Care Records qui ont mal à jupe aussi. We Are Wolves. Lake of Stew. Plein de groupes comme ça qu'on adore ici. Ah, c'est fou. Power Up First. Je pourrais continuer d'en aimer pendant des années. Dare vas-y, to Care vas-y. Records. Non, ça va aller. Armistice.bandcamp.com, comme tu le disais, pour télécharger ça. Et puis iTunes et puis partout ailleurs. Les liens sont sur assemblagerequis.com, bien évidemment. Et je pense qu'on va en réentendre. On va en réentendre, c'est pas dur à dire. On va en réentendre ici à C'est Fou. Probablement sur le palmarès, j'ose espérer, avec Béatrice Martin dessus, non? Je sais pas. Peut-être. On verra bien. Peut-être. On verra bien. Tout à l'heure, dans le poste d'écoute, on va avoir nos amis de The Deers. On va les entendre plus tard. Mais avant ça, on prend une pause et on revient et on parle de chanvre. Avec Gérard Godbout. Alors, restez avec nous. Mmh. l'UQTR, c'est tout dans vos oreilles. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Assemblage requis jusqu'à 9h. Bonjour, Assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, François? On va recevoir M. Gérard Godbout, qui va nous parler du chanvre. Bonjour, M. Godbout. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Très bien. Donc, M. Godbout, est-ce que vous voulez nous expliquer un peu votre position par rapport au chanvre, barre oblique, cannabis? Bon, alors, peut-être situer mon expérience. Ça a commencé par l'autoconstruction de maisons écologiques en balles de paille. Alors, cette démarche de construction écologique m'a amené à utiliser et faire de la recherche sur le chanvre industriel. Alors, cette expérience m'a amené à questionner l'industrie de la construction en soi et les sans-abri, si on peut dire, l'accès au logement. Alors... De cette expérience, j'ai compris qu'on pouvait utiliser la plante et historiquement, comment son usage avait été utilisé et exploité. Le chanvre dans la construction. Voilà. Alors, c'est le matériau pour l'isolation. OK. Alors que j'utilise avec d'autres composés, de la chaux, entre autres. Alors, ça devient de la chaux, c'est de la pierre. Donc ça devient une pierre isolante. OK. Alors... Mais ici au Québec, on en retrouve du chanvre pour isoler? Maintenant, on peut en faire parce qu'il y a eu une déréglementation au niveau gouvernemental d'avoir accès au chanvre à partir du moment qu'on a compris que le chanvre et le cannabis, il faut bien comprendre que lors de problèmes sociaux, quand c'était le sida, là, il y a eu une déréglementation. Alors, de cette réglementation-là, on a ouvert accès aux chanvres industriels et puis on a eu accès aux chanvres industriels. Oui, on a ici à Sainte-Tech, là, dans ma région où je réside, des producteurs de chanvres industriels. Donc, on peut utiliser le chanvre. Quand vous parlez de chanvre industriel, ça veut dire quoi, en fait, là, pour moi? Ça me dit pas grand-chose. Ah, ben, c'est un chanvre qui n'a pas de THC, de substance psychotrope dedans. OK. Donc, il est réglementé. Puis quand tu veux faire du chanvre, bien là, il faut que tu fasses affaire avec une réglementation très, très lourde, régie par Santé Canada. OK, qu'eux autres contrôlent, en fait, ta production. Oui, ils contrôlent bien ça. Mm. Et c'est lourd, là, comme procédure, avoir accès aux chanvres. Comme le producteur, lui, il fait de l'huile alimentaire. Alors, bon, moi, j'utilise la fibre, le résidu. Bon, bien déjà là, il ne peut pas m'en vendre. Bon, c'est un autre règlement, puis un autre permis, puis c'est toute une histoire. Alors là, ça m'a amené à comprendre la lourdeur de l'accès à cette plante-là. Il faut comprendre que, bon, moi, mes origines, Nicolas Godbout, en 1654, quand nos origines, nos ancêtres sont arrivés, il a utilisé le chanvre, là, la voile, les cordes, les toupes et l'huile, bon... Déjà en 1654, on utilisait la plante de chanvre pour faire plein de produits isoler, pour faire des vêtements. Ah ben là, il faut comprendre que historiquement, ça a toujours été une plante utilisée à toutes les sauces, on peut dire. Les Autochtones, au niveau de chamanique, utilisaient la plante comme ils utilisent des champignons ou d'autres substances. Alors, ça a été utilisé... les bateaux, c'était pour les tours. Bon, les voiles, les cordes, l'huile et l'alimentation. Parce qu'une fois que tu as fait la graine, t'as pris l'huile dedans, il reste le résidu. Bon, tu fais ça avec cette substance-là, tu fais de la farine. Donc, de l'alimentation, du pain, tout ce que tu veux au niveau alimentaire. Et médicaments. OK, parce que c'est ça, il y a d'autres... Si tu as accès à la plante normale, il y a une substance... qui est utilisé au niveau médical. Alors, bon, fait que c'est de là... faut comprendre, regarde, là, en 1788, la première subvention est accordée pour le chanvre au Canada Les cultures de chanvre étaient obligatoires. Tu pouvais payer tes taxes avec du chanvre. Puis c'était obligatoire. Là, les bateaux qui arrivaient ici d'Europe, il y avait déjà leurs semences. C'était obligatoire de mettre du chanvre en production pour pouvoir alimenter toutes les flottes de toutes les communes, tous les peuples là, qui sont venus. Là, que ça soit espagnol, portugais, français, Angleterre. Là, hein? Là, encore là, est-ce qu'on parle du chanvre industriel encore? Ou sinon, il y avait dans le chanvre d'antan, il y avait la production de THC, de psychotropes? Ben là, à l'époque, là, il y avait-tu du THC? Il y avait une plante et puis il l'utilisait. Qu'est-ce qu'il faisait avec? Ben ça a bien de l'air qu'il y en a qui l'utilisaient comme psychotrope parce que au niveau chamanique, il l'utilisait pour aller proche des rêves, proche du mort, proche de l'au-delà. Alors bon, eux autres, les Blancs, ils utilisaient pas le chanvre. C'était pas des consommateurs, ils utilisaient le tabac, ils utilisaient l'alcool, ils utilisaient d'autres substances là pour... pour leur bien, là, pour leur plaisir personnel. Ben oui, puis c'était une plante stratégique. OK. Hein? Alors, elle a tous les usages que tu veux imaginer. Tu peux utiliser le chanvre. Aujourd'hui, on l'utilise dans les polymères, dans la composition des automobiles. Les producteurs, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est des gros producteurs. Nous autres, on est limités. Nous autres, on regarde le bateau passer. Puis pas à peu près. Puis en plus de ça, c'est qu'en arrière de ça, il y a une prohibition. Là, ça va faire 70, 75 ans qu'il y a une production contrôlée. Là, t'as plus le droit de construire, t'as pas le droit de planter. Bon. À moins que ça soit très réglementé par le chanvre industriel. Oui, bien encore là, c'est tellement réglementé, tu sais, que t'as pas accès à ça. C'est une magouille, ça, encore là. Il faut comprendre qu'en arrière de ça, il y a une guerre, là. C'est la guerre aux drogues. Et puis, en arrière de ça, c'est une façon de brimer un peu la liberté de chacun d'utiliser une plante stratégique pour se nourrir, pour se vêtir, pour se bâtir une maison. Ouais, fait que c'est pas rien, là, de quoi on parle. On parle de liberté, on parle des droits fondamentaux là, de se nourrir, de se loger. C'est de là qu'on va. C'est de ça qu'on parle. Là. OK. Donc vous, si je comprends bien, vous êtes en faveur d'une quoi? Déréglementation? Bon, mais moi, là, quand j'ai fait un projet, à un moment donné, c'était de décontaminer de l'eau potable en utilisant le chanvre. Lui, le chanvre, il captait les métaux lourds. Alors, bon, on a fait la demande avec l'Université Laval et puis les agronomes, les ingénieurs forestiers pour améliorer l'eau potable dans mon petit village, à Notre-Dame-de-Montauban. En fin de compte, on s'est aperçu qu'on n'avait pas le droit à cause qu'il y avait un camping à 1 kilomètre de ça parce que ça nous empêchait de faire du chanvre industriel. Pourquoi? Ben c'est ça. J'ai essayé de le savoir. Il n'y en a pas de raison. Le lien, c'est qu'ils ont peur du cannabis. Et puis, en arrière de ça, ben on n'a pas pu décontaminer, faire nos projets. Bon, on se ramasse avec un problème, puis moi, ben, j'avais mis beaucoup d'efforts là-dedans. J'ai dit, putain, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai retourné aux études, puis là, je suis rendu à l'Université Laval, à l'Université à l'UQTR. Et puis là, je tombe sur un document du rapport du comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, le cannabis. Ah ben là, j'ai trouvé des réponses à toutes mes questions. Alors, là-dedans, il critique très sévèrement les médias, le gouvernement. Il critique toute la politique en arrière de ça qui était prohibée là, tout le temps pour justement contrôler contrôler pour passer d'autres produits. Pour passer d'autres produits, ben au niveau pharmaceutique, en même temps, ben c'est tout en lien. Là, la construction, c'est les matériaux de construction, c'est le papier, c'est beaucoup d'industries. Puis en plus, quand on commence à parler de ça, il faut penser aussi au domaine des armes aussi. Parce que les drogues, les substances illégales, ça amène de la violence, puis ça amène la police, puis ceux qui sont pour puis contre, là, puis là, ben ça chicane, puis ça fait la guerre dans le monde. Aux Nations Unies, ben ça fait, sont réunis tous les pays autour de la table aux Nations Unies, puis contre cette plante, cette fleur, hein? Alors là, ça fait la guerre à 192 pays contre une plante. Ils n'ont pas encore réussi à rien faire, mais sauf que tout le monde met de l'argent là-dedans. Quand tu lis toute ma démarche est au niveau scientifique. Le Sénat, c'est une démarche scientifique. Toutes les universités, tous les experts dans la matière dénoncent la problématique de la drogue. On ne peut pas faire de santé publique quand c'est tout interdit puis caché. Parce que si tu manges dans ta soupe, tu le sais pas. Fait que là, ça fait des problèmes de santé publique, là. C'est ça, mais il y a eu, comme vous l'avez dit, en fait, un comité spécial du Sénat qui dit que, en fait, comme cette drogue n'est pas plus nocive que le tabac ou l'alcool, qui sont tous les deux légaux, pourquoi ne pas la traiter de la même façon? Voilà. Garde-toi un matin ou ben plus du monde ici, là, on prend du café. Ouais. Ben, c'est un alcaloïde, la même chose que le cannabis. Pourquoi tu peux prendre du café un matin? Pourquoi c'est légal de prendre de l'alcool ici au ouais, bar? Ouais, ouais, ouais, c'est ouais, toute la même affaire. Ben, c'est toute la même affaire. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'on s'entend pour dire que pour différents types de personnes, en fait, le cannabis, si on le fume, là, je parle vraiment si on le fume, ça n'a pas le même impact chez tous les individus. On s'entend là-dessus. On s'entend sur quoi, là? Ben, on s'entend que ça n'a pas le même impact. Si, exemple, que, en fait, je fume du cannabis, mettons, OK? Ouais, je fume du cannabis. Ça n'a pas le même impact que si je prends un café non plus. Et puis, si je prends... C'est quoi la différence, ben, là? Si, exemple, si je fume du cannabis et puis que, mettons, mes réflexes, moi, ce que ça fait sur moi, c'est que je deviens comme je tombe un peu dans un mode plutôt relax et puis je prends mon auto, j'ai moins de réflexes, peut-être. Bon, ben, regarde le gars qui va prendre la personne, je devrais dire, qui va prendre 4 cafés avant de partir, puis ça fait de la violence sur les routes, puis le monde sont tous sur le gros nerf. Ça fait quoi, ça? Non, mais c'est ça, non, mais c'est pas mieux. Ben non, c'est pas mieux, mais le café, c'est réglementé. Puis tu peux en prendre. Puis tu peux même en donner aux enfants. La liqueur, là, tu peux prendre ça. C'est des alcaloïdes, ça, la liqueur. C'est de la caféine qu'il y a là-dedans. Tu peux donner ça aux enfants, c'est légal. Je suis d'accord avec vous. La réglementation, tu vois bien qu'il y a une différence entre la réglementation sur l'alcool, sur le café, sur le tabac, puis sur le cannabis. Pourquoi qu'une chose est criminelle puis l'autre est encouragée? Non, mais c'est ça. Si vous voulez déréglementer, en fait, il faudrait quand même la réglementer. Ben oui, c'est sûr qu'il faut la réglementer comme on réglemente tout le reste, c'est bien sûr. Puis comment, c'est ça que le Sénat dit aussi. C'est ça, mais comment vous, en fait, avec votre point de vue, vous avez fait des recherches, vous êtes informé, vous êtes basé, en fait, là, sur des appuis scientifiques. Oui. Puis comment, en fait, vous verriez ça réglementé? Ben, c'est quoi, le Sénat canadien le dit exactement, la réglementation, comme une substance qu'on utilise, comme le café, l'alcool. Pourquoi il y a une réglementation? C'est évident, tu donnes pas n'importe quoi, n'importe qui. Mais là, regarde, on donne de la liqueur, là, là-dedans, il y a un alcaloïde à des enfants. Bon, ça, c'est correct. Bon, mais c'est quoi la réglementation? Je trouve ça impressionnant. Puis au niveau de l'histoire, regarde, là, il y a des départements ici dans les universités au niveau de l'histoire du Québec et du Canada. Quand j'ai été voir, ils connaissent même pas l'histoire du chanvre et du cannabis. À partir de là, j'ai été voir mon député Jean-Yves Laforêt, la circonscription ici. Il a déposé la pétition justement pour appuyer la démarche du Sénat canadien. Il a déposé ça. J'ai passé une demi-heure avec lui pour y expliquer de quoi qu'on parle. Il connaît pas le sujet, puis bon... Il endosse des règlements et des lois passées depuis 80 ans, basées sur quoi? Sur une morale, et non sur la santé publique. Alors, si c'est de la morale, ben là, on est encore avec de la morale. 192 pays font la guerre à la drogue pour une question morale. Alors, on parle pas de santé publique, là. Non, c'est ça, mais vous, en fait, je vais reposer ma question. Vous, comment vous réglementeriez ça? En fait, est-ce que ça serait accessible, en fait, à partir de 16 ans? Ça serait quoi? Ça serait accessible où? Ça serait... Est-ce qu'on met des Actuellement, il n'y en a aucune réglementation. C'est le crime organisé puis la police qui gère ça. Fait que là, que même mon opinion personnelle, où on a le droit, quel âge, on peut bien discuter là-dessus, mais fondamentalement, on a-tu une liberté de se bâtir une maison, de se construire, de mettre dans le jardin? Si tu mets des carottes dans ton jardin, as-tu besoin d'un permis? Bon, en autant que tu ne fais pas de trouble à quelqu'un, il me semble que tu ne devrais pas être un criminel. Si quelqu'un utilise son jardin pour se nourrir puis se bâtir une maison, regarde là, un exemple, là, ici, là, tout le monde, là, ça fait un an, il n'y a rien qui se passe là. Ben oui, mais pourquoi on n'en solutionne pas des problèmes, mettre des graines dans la terre, puis on améliore l'alimentation? Il y en a des solutions, mais c'est parce qu'on est dans une morale. Bon, ben en arrière de ça, l'histoire là, nous dit qu'au début, la morale, c'était protéger la culture blanche, anglophone. C'était tout, bon, tu sais... En arrière de ça, il faut comprendre aussi, il y a eu beaucoup d'histoires, il faut la comprendre. Ça a parti quand les Chinois sont arrivés avec l'opium au tout début. C'est de là que ça a commencé. Ils voulaient se débarrasser des Chinois. C'est ça qu'on lit dans les documents. C'est ça qu'ils ont fait aussi. Ils en ont débarrassé. Et il y avait un problème au milieu du travail. Et puis le premier ministre King, en 1908, il a dit « On va solutionner ça. Comment? Ben, on criminalise l'opium. » Il n'y avait jamais eu de problème avec l'opium. L'Angleterre légalisait. C'était obligé. L'Angleterre forçait tout le monde pour produire de l'opium fait que, dans leur colonie en Inde. En tout cas, je trouve qu'on rouvre pas le sujet. Puis parce que je prends des cours, puis plus j'apprends, puis plus je m'aperçois que personne ne connaît ça. Fait que je me dis, il faudrait bien en parler. Puis je te remercie de m'avoir donné un micro à un moment donné pour pouvoir en parler. Puis j'espère qu'on va pouvoir... Moi, je suis étudiant en art, puis tout mon propos artistique est basé sur le cannabis. C'est ça. Oui. Puis je fais politique et art en même temps pour essayer de... On peut-tu en parler au moins? On fume du tabac, oui. On peut bien fumer du tabac, mais en quelque part, cette réglementation-là, on pourrait-tu... il me semble qu'il y a quelque chose qui est fondamental. Quand tu as 600 000 personnes qui ont un casier judiciaire au Canada pour simple possession de cannabis, ce monde-là n'a jamais fait un crime violent, là. Ils se sont fait prendre avec une consommation... Ben oui, mais écoute, là, on parle-tu de non, la liberté, sûr. Là? Non, c'est sûr que ça, à ce point de vue-là, moi aussi, je suis un peu d'accord avec vous. Puis suite à vos études, à vos recherches que vous avez faites, voyons, en fait, j'ai perdu ma question. Ouais, c'est pas grave. Écoute, c'est bien normal, parce que là, quand on arrive dans des situations de parler rapidement, on se donne 15 minutes, on essaie de faire plaisir à tout le monde, là, puis... Ah oui, mais c'est normal, là, tu sais, qu'on faudrait se donner plus de temps, c'est ça. S'il y a du monde qui sont intéressés, là, ben moi, je pense qu'on devrait faire une suite à ce qu'on fait là, Pierre-Olivier. C'est ça qu'il faut. François-Olivier. Pardon? François-Olivier. François-Olivier, oui. Ouais. Hey, ouais. Ben, ma question est revenue, en fait. Bon. C'est ça, suite à vos études et puis tout ça. En fait, est-ce que si on décriminalise tout ça, est-ce que ça ouvre pas la porte à autre chose? Je sais pas, du hashish ou... Ça ouvre pas la porte à ça. Et ça, est-ce que c'est dangereux ou... Ah, ben oui. En tout cas, c'est là que je vois que quand je vois ça... Qu'est-ce que ça fait, ça? En autant que tu mets du chou dans ton jardin ou que tu fasses n'importe quoi avec ta substance, tu déranges-tu quelqu'un? Bon, mais si tu déranges pas quelqu'un, pourquoi tu serais un criminel? Le hash que tu parles, là, c'est une résine. Moi, comme artiste, là, je l'utiliserais à l'huile parce que je fais des crépis, des enduits. C'est des substances, des plantes. On utilise les plantes. Le monde est en guerre partout. C'est de la violence. On scrape tout. Puis ça, c'est bien correct. T'as pas le droit de mettre une graine dans le jardin puis on vient me demander si c'est correct ou si c'est pas correct. Voyons donc. Il faudrait lire un peu les documents de l'Université d'Ottawa en criminologie pour comprendre... toute la magouille qu'il y a en arrière de ça, puis on, les coups cachés de la prohibition, les drogues, l'égalisation et la promotion de la santé, c'est tous des documents scientifiques. Mais là, écoute, on est dans les universités, puis on n'en parle pas. Je te le dis, on prendra le micro, on ira faire le tour des départements. Personne ne veut en parler, c'est tabou. Ben, quand c'est tabou, puis que tout le monde est en guerre, on fait pas de la santé publique, on solutionne pas grand problème environnemental non plus. J'étudie actuellement en droit international de l'environnement. Puis ce que je m'aperçois, c'est qu'on a encore là toute une structure de règlement. Puis c'est tout un peu pour favoriser qui, tu penses? Ouais, c'est sûr que ça, par exemple... C'est ça, on en parle-tu? C'est ça, là. Il faudra faire la suite de ça, Pierre-Olivier. François-Olivier. François-Olivier, ben c'est parce que j'ai marqué Pierre. Bon composé. Excuse-moi. Je vous pardonne. Ouais, t'es fin. Bon, merveilleux. Écoute, on regardera ce qu'on peut faire pour la suite des choses. C'est sûr que le temps nous presse un peu. Ben oui, on est tout le temps pressé pour parler des vraies affaires, mais je te comprends. Puis merci beaucoup de ton accueil. Ben, ça fait plaisir de continuer le sujet. Merveilleux. Merci. Bonjour, François-Olivier. Vous l'avez eu. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, Mathieu. C'est toujours Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Il nous reste à peine une quinzaine de minutes. Oui, on a encore des choses à faire avec vous. On va passer en poste d'écoute juste après cette pièce de Weezer. Restez là. Weezer, We Are All on Drugs, à Assemblage Rocky au 89.1 FM. Il nous reste 10 minutes ensemble, on va se dépêcher, on va se faire un petit poste d'écoute avec The Dears. C'est le poste d'écoute de C'est fou. On vous présente un nouvel album qu'on vient de recevoir ici même à la Radio Campus de Trois-Rivières. Celui de The Dears, formation qu'on adore, qu'on aime beaucoup depuis des années. Nouvel album de Generation Street. On écoute tout de suite sans plus en parler, là, parce qu'il nous reste seulement 10 minutes. Voici Omega Dog à C'est fou. Et on en parle juste après. Press down, shake it together. poste d'écoute. Deux pièces de la formation de Deers, on vient d'entendre Five Chords et avant c'était Omega Dog sur l'album The Generation Street. J'aime bien The Deers. Oui, c'est adorable, je dirais. C'était très bon. Allez voir myspace.com/TheDeers. Vous avez compris ce que j'avais fait de Deers comme cher, adorable, cher, chéri. OK. Donc voilà pour The Deers. myspace.com/TheDeers. Les liens sont sur assemblagerequis.com. C'est un groupe de Montréal. On n'a pas besoin d'en parler plus qu'il faut parce que entre autres, on n'a pas le temps. Et c'est bien dommage en radio, mais à un moment donné, les nouvelles de Radio-Canada ne commenceront pas sans nous. Les voici. À demain, François, 7h. Salut, Matt. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.